Chapitre 268 L'interdiction de nuire aux gens. Allah Ta'ala dit: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Sourate 33, verset 58. 1565. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le vrai musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Et le vrai exilé, muhajir, est celui qui délaisse ce qu'Allah interdit. Al-Bukhari et Muslim. 1566. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: que celui qui désire être sauvé du feu et entrer au paradis meurt en ayant foi en Allah et au jour dernier, et qu'il traite les autres comme lui-même aimerait être traité. Muslim. 1567.